北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Hello, 你们好，很高兴我们又在法语三百句节目中见面了。我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. 今天我们将一起来学习第十四课，请您跟我们一起去购物。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 14, faire des courses. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。Salut, Marc. Bonjour, Lucie, ça va bien? Ça va très bien.Fixons un jour pour aller faire des courses. Je peux aller tous les jours sauf mardi. Disons lundi prochain, à 9h du matin. D'accord. Tu es sûr de pouvoir venir? Oui, j'en suis sûr. Viens un peu plus tôt, si tu le peux. 在上面的对话中，我们复习了关于约会的一些表达法，其中也复习到购物这个短语。 Faire des courses. 我们请 Marc 用这个词组造一个句子。 Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements. 我要去买东西，因为我需要几件衣服。Je vais 表示我将要做某事的意思。Avoir besoin de 意思就是需要什么东西。比如我需要这个包，就是 J'ai besoin de ce sac. Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements.Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements. 马克，你知道买衣服的时候，服务小姐最爱对顾客说一句什么话吗？ Ce costume vous va très bien. 对，就是这句。这套衣服您穿很合适。Va 是动词 aller 变位来的。Aller à quelqu'un 意思就是很适合某人。 Ce costume vous va très bien.Ce costume vous va très bien. 下面我们学习怎样说明衣服的质地，请听这个句子。 Cette veste est en soie, n'est-ce pas? 这件上衣是丝绸做的，对吗？是什么质地？可用 en 加上质地这个词，如纯棉的就应说 en pur coton. Cette veste est en soie, n'est-ce pas?Cette veste est en soie, n'est-ce pas? 当您看中一件衣服后，您可以向售货员要求试一试，如 J'aimerais essayer ce pullover. 我想试试这件毛衣。试衣服用 essayer 这个词。Pullover 指套头毛衣、羊毛衫等。 J'aimerais essayer ce pullover. J'aimerais essayer ce pullover. 听众朋友，当你买鞋的时候，售货员会问您这样一句话。 Quelle est votre pointure? 您穿几号鞋 ?Pointure 就是尺码的意思。 Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? 下面我们把刚才的句子连起来读一读。 Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements. Ce costume vous va très bien. Cette veste est en soie, n'est-ce pas? J'aimerais essayer ce pullover. Quelle est votre pointure? 好，我们再读一次。 Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements. Ce costume vous va très bien. Cette veste est en soie, n'est-ce pas? J'aimerais essayer ce pullover. Quelle est votre pointure? 众朋友，您现在收听的是法语三百句。刚才我们去到了商店，现在我们来学习一下怎样询问价格。有两种问法，一种是 Combien coûte ce foulard？ 这块头巾多少钱？ Combien coûte 加上名词，这是一种问法。 Combien coûte ce foulard？ Combien coûte ce foulard？ 另一种问法是 Quel est le prix de cette machine à écrire? 这架打字机多少钱？ Quel est le prix de 加上名词是另一种问法。Prix 的意思是价格。Machine à écrire 指的是打字机。 Quel est le prix de cette machine à écrire? Quel est le prix de cette machine à écrire? Hey Marc, 巴黎最著名的商店有哪些？ 有 Printemps, 还有 les Galeries Lafayette, 但是那边的东西却太贵了。我这条领带就是在 Printemps 买的。C'est une très belle cravate, mais elle coûte vraiment trop cher. 这条领带很漂亮，但价钱实在太贵了。Coûte cher, 意思就是贵，加上一个 trop, 就变成了太贵。 C'est une très belle cravate, mais elle coûte vraiment trop cher.C'est une très belle cravate, mais elle coûte vraiment trop cher. 买完东西后问一共多少钱，可以这样问。 Combien ça fait en tout? 一共多少钱？ Ça fait 是一个很有用的表达法，一般和数字连在一起用，表示多少钱、多少时间等等。En tout 意思就是一共。 Combien ça fait en tout? Combien ça fait en tout? 回答时还要用到 ça fait 这个表达法。 Ça fait 275 francs 25 centimes. 一共275法郎25升丁。Franc 是法国的货币单位，法郎。Centime 是一种比法郎要小的货币单位，升丁。一法郎等于100升丁。关于法语数字结构的特点，请朋友们参见教材第135页。 Ça fait 275 francs 25 centimes. Ça fait 275 francs 25 centimes. 我们总结一下关于服装服饰的几个词。衣服的总称。 Les vêtements. 套装。 Un costume. 上衣。 Une veste. 毛衣。 Un pullover. 领带。 Une cravate. 下面我们把今天学过的主要内容回顾一下。Faire des courses. Avoir besoin de. Je vais faire des courses parce que j'ai besoin de vêtements. Aller à. Ce costume vous va très bien. En soie. Cette veste est en soie, n'est-ce pas? Essayer. J'aimerais essayer ce pullover. Pointure. Quelle est votre pointure? Combien coûte? Combien coûte ce foulard? Quel est le prix de? Quel est le prix de cette machine à écrire? Cher. C'est une très belle cravate, mais elle coûte vraiment trop cher. Ça fait. Combien ça fait en tout? Ça fait 275 francs 25 centimes. 最后我们看看本课中出现的几个音标。呃在两个辅音前发 A。 Belle, set. 呃在 B 音节中发 A。 Quelle, vest. 呃在长音节中发 A。 Vêtement. 好，听众朋友，今天的节目就到这里。感谢您的收听，下次节目再见。 Merci de votre aimable attention et au revoir. 再见。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。